أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو له هو الملك يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الغفور هو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو فضل عظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذي كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه إنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم لو كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا فضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. حسبك جميل. طيب الحمد لله تقرا شيء؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تكذبون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن الأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صروة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم حسبك جزاك الله خيرا جزاكم الله خيرا الله يبارك فيكم بسم الله الرحمن الرحيم إنما كان ذلك تشجيعا لأولادنا وأحبابنا من إخواننا الصغار وكما تعرفون أن هذا الدين يحث على الاعتناء بالأولاد في تربيتهم Donc, on a commencé exceptionnellement ce cours par la récitation de notre frère Ryan ainsi que mon fils Abdallah afin de motiver les enfants dans l'apprentissage du Coran et de la Sunna. Car comme vous le savez, cette religion, la religion de l'islam, motive et enjoint à ce que l'on voue aux enfants une excellente éducation. Il n'y a pas une meilleure éducation que le fait de leur enseigner dès leur plus jeune âge le livre d'Allah Azza wa Jal. فَإِنَّهُ سَيَبْقَى مَعَهُمْ بِإِلْنِ اللَّهِ وَيَسْتَنِيرُونَ بِهِ متى ما شاء بفضل الله وبمشيئته. Et donc le fait qu'ils l'apprennent, qu'ils apprennent le Coran dès leur plus jeune âge, ça va les aider dans leur futur. Ça va leur aider dans leur vie. Naam. Et donc l'islam enjoint les musulmans à veiller à la bonne éducation de leurs enfants. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا Oh vous qui croyez sauvez vos personnes ainsi que vos familles d'un feu يعني le feu de l'enfer نعم والنبي عليه الصلاة والسلام كان في هذا الجانب بأشد حرص Et le prophète, alayhi salatu wassalam, sur le sujet des enfants, il était très très vigilant. وربما كثير منكم يحفظ حديث عبد الله بن عباس أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير. Et beaucoup d'entre vous Ils connaissent, ils ont mémorisé le hadith d'Abdullah ibn Abbas lorsqu'il dit qu'il était avec le prophète alayhi salatu wassalam alors que c'était encore un jeune enfant, un jeune garçon. Faqala lahu an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam Ya ghulam, يا غلام هذه الكلمة تفيد أن عبد الله بن عباس كان يعني دون يعني السن الكحولة دون يعني كان شابا. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم lorsqu'il a dit à عبد الله بن عباس ô jeune garçon, le mot ô jeune garçon ça indique qu'il était très jeune au moment où il a reçu ces paroles qui vont suivre du prophète عليه الصلاة والسلام. يا غلام إني أعلمك كلمات يحفظ الله يحفظك. Ô jeune homme, je vais t'enseigner certaines paroles. Parmi celles-ci, protège la religion d'Allah, Allah te protégera. Protège la religion d'Allah, Allah te protégera. Wa fi hadha al-bab ahadith ukhra wa kathira. Et sur ce chapitre, c'est-à-dire l'éducation des enfants, il y a énormément de hadiths. وكذلك énormément d'aya. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا لا إله إلا هو. الآية comme dans l'histoire de Yaqub عليه الصلاة والسلام lorsque il était dans les affres de la mort, c'est-à-dire il était proche de la séparation de l'âme du corps. Il a réuni ses enfants et il leur a demandé, et ça c'est un enseignement, ça montre que les parents doivent être vigilants sur l'apprentissage et sur l'éducation de leurs enfants. Il leur a demandé, il a demandé à ses enfants, qu'est-ce que vous allez adorer après moi lorsque je serai mort, quelle sera votre divinité? Et ces enfants qui ont été excellemment éduqués dans l'islam, ils ont répondu, nous adorerons la divinité que tu adorais, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal. لأن الأنبياء كلهم يعبدون الله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Car tous les messagers n'ont eu de cesse d'adorer Allah Azza wa Jal, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset. Certes, selon une traduction approximative, certes, nous avons suscité dans chaque communauté un messager afin qu'il enseigne d'adorer Allah Azza wa Jal et de s'éloigner des tarot. Naam. Fa hawa nahnu qad fatahna shay'an min ad-durus lil awlad. والحمد لله حصل إقبال كبير لكن ما زال يحتاج إلى مضافرة الجهود وما زال يحتاج إلى تشجيع الناس لمثل هذه الأعمال الجبار. Donc comme la plupart d'entre vous le savent, on a ouvert des cours le dimanche matin pour les enfants, des cours de Coran ainsi que des cours de Aqidah. Et malgré qu'il y ait eu, mashallah, il y a eu pas mal d'élèves qui assistent, on a encore besoin de faire beaucoup plus d'efforts. Et que chacun d'entre nous, يعتبر تربية الأولاد نصب عينيه. Que chacun d'entre nous, il prenne le sujet de l'éducation des enfants, qu'il le prenne comme étant une responsabilité qu'il doit avoir devant ses yeux. Naam. Wa nahnu al-mudarrisun qalilun. Jazakumullahu khairan man ta'awana ma'ana. Jazakallahu khairan. Lakin nahnu qalilun sarah. On n'est pas nombreux ceux qui donnent du temps en ce jour-là, le jour de dimanche, pour enseigner le Coran. Et on a besoin de plus de monde. فكل واحد الذي يقدر وعنده وقت وفراغ فليتفضل. Donc celui qui a un peu de temps, hein, celui qui a un peu de temps ce jour, qui a un peu de khair, qui a appris un peu de Coran, même s'il a appris que le juz amma, qu'il va enseigner. qu'il enseigne à des enfants, ça sera fi mizan et hasanat. Et que personne ne croive, ne sous-estime le poids de ce genre d'œuvre. Le prophète Hassan lui a dit, pour chaque lettre du Coran qui est lue, dit hasanat. La qul alif lam mim harf, lakin alif harf, wa lam harf, wa mim harf. Hein? Pour chaque lettre, dit hasanat. Et il dit, c'est pas quand je dis alif lam mim, que alif lam mim c'est une lettre en soi. Non, il dit alif, c'est une lettre, 10. Lam, c'est une lettre, 10. Mim, c'est une lettre, 10. Combien tu ressors avec ce hasanat? Combien tu ressors de la hasanat lamma tu'allim al-nas? Et n'oubliez pas le hadith du prophète alayhi salatu wa sallam qui dit khayrukum khayrun li ahli. Khayrukum khayrun li ahli. Le meilleur d'entre vous, c'est khayrukum man ta'allam al-Qur'an wa 'allama. Afwan. Le meilleur parmi vous, c'est celui qui a appris le Coran et qui l'a enseigné. C'est-à-dire, si tu connais la surat, ayy surah, ta'al ma'ana, wa ajtahid ma'ana, wa nuhawil, yani, naqum, bima, awjib Allahu alayna, fi jambi, al-awlad. Donc, celui qui a un peu de temps, celui qui a un peu de khair, et qui veut se joindre à nous dans cet effort, il est le bienvenu. Il est le bienvenu, Inch'Allah, il ne regrettera pas. Ça, c'est des œuvres. إلى يوم القيامة تبقى مع العبد نعم فهذه مقدمة وإن شاء الله ندخل في درسنا وإن شاء الله معنا ضيوف كرام معنا ضيوف كرام ومعنا طلاب العلم ونحن نفرح بزيارة أهل الفضل ومعنا أخونا مجتبى وأخونا سمير ونحب إن تيسر الوقت أن نسمع من أحدهما شيء من النصيحة والكلام الطيبة المدعمة بالأدلة فإن شاء الله سنحاول نخلي وقتا من الدرس متى يؤذنون؟ 10 دقيقة يلا يكون خير إن شاء الله بعد الدرس ما من أحد يتحرك بعد الصلاة ما من أحد يتحرك الليلة معنا ضيوف معنا خير ونحن تأخرنا لكن الخير لا يرفض الخير لا يرفض donc exceptionnellement aujourd'hui on a des invités honorables et inshallah si Allah il facilite un peu de temps, bon peut-être d'ici à la prière on n'aura pas le temps, mais après la prière, Inch'Allah, si les frères qui sont venus peuvent nous faire une petite nasiha, chacun à leur tour, Inch'Allah, c'est pas de refus, et ça fera du bien à tout le monde, car le prophète, alayhi salatu wa salam, il a dit, ad-din al-nasiha, la religion, c'est le conseil. قالوا لمن قال لله قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم donc le conseil il profite à tout le monde نعم على كل حال نحن ما زلنا في شرح هذا الحديث هذا الكتاب الذي هو أصول الستة للمؤلف المبجل الإمام Al-Mujaddid Mohammed ibn Abdul Wahhab. Donc on est toujours dans le livre de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, Al-Najdi, les six fondements. On est toujours dans le livre des six fondements. Les six fondements de l'islam. Naam. Et le premier des fondements, dans lequel on est mazal, on est toujours en son sein, c'est lequel, le premier des fondements? Al-Ikhlas. Eh, na'am, al-ikhlas. C'est le premier des fondements que tout un chacun parmi les musulmans se doit de comprendre et de mettre en pratique. C'est-à-dire le fait de vouer un culte sincère pour Allah Azza wa Jal. La ghayr. Pour Allah Azza wa Jal. Celui qui vient à la mosquée, yusalli fiha lillah. La li ajli fulan wa la allan. Celui qui vient à la mosquée, il prie pour Allah Azza wa Jal. Il y vient pour Allah Azza wa Jal. Non pas pour faire plaisir à qui que ce soit. Et non pas pour rechercher l'agrément de qui que ce soit. Naam. Et celui qui invoque Allah Azza wa Jal. Wa la yad'u ghayra. قال الله سبحانه وتعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك وإن فعلت فإنك إذن لمن الظالمين. نعم. الله سبحانه وتعالى dit et n'invoque pas en dehors d'Allah une autre divinité, car si tu le fais, tu seras certes parmi les gens injustes. نعم. Donc la première des choses et la chose, la base la plus importante en islam, c'est le fait d'unifier Allah Azza wa Jalla sans jamais lui associer quoi que ce soit. Naam. Wa qala, donc on est arrivé à la parole où l'imam il dit tafadhal shouya qabla al-adhan. Donc le premier asl, ikhlasuddin lillahi ta'ala wahda la sharika lah. Donc le premier fondement, il concerne le fait de vouer un culte sincère, une adoration sincère, sincèrement tournée, vouée à Allah Azza wa Jal, sans jamais lui associer qui que ce soit. Et aussi le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a expliqué cela et a expliqué son contraire. C'est-à-dire le contraire de l'unicité. C'est quoi le contraire de l'unicité, ya Khana Ismail? Al-shirk. Al-shirk billah, l'association. Le fait d'associer à Allah une quelconque divinité. Thumma qala, wa kawlu akthar al-Qur'an fi bayani hadha al-asl min wujuhin shatta bi kalamin yafhamuhu abladu al-amma. Donc ensuite l'imam dit: et aussi parmi ce fondement, le fait que la plupart du Coran l'évoque. La plupart du Coran évoque ce fondement, c'est-à-dire l'ikhlas ainsi que le shirk. La plupart du Coran, il parle de la sincérité de culte voué à Allah et aussi de son contraire qui n'est autre que l'association. Naam. Thumma lamma sara ala akthar al-umma ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في سورة التنقص الصالحين. Ensuite il dit, et lorsque la communauté a été touchée de ce qu'elle a été touchée, elle a été touchée de quoi la communauté Riyad, la communauté islamique, elle a été touchée de quoi? Mais encore. Ah, m'a dit. L'adoration des tombes, le shirk. وماذا الفتن القتل والقتال وكذلك تقليد الكفار وجميع أنواع الشرور قد أصابت هذه الأمة للأسف الشديد. Et donc la cette communauté a été touchée par de nombreux mal, que ce soit les troubles, les guerres, les dissensions entre les gens, que ce soit ماذا la propagation du shirk en son sein, ou que ce soit le fait d'imiter les mécréants, tout ça sont des mots qui ont touché la communauté du prophète alayhi salatu wassalam. Donc lorsque cette communauté a été touchée, parce qu'elle a été touchée comme trouble et autres, Shaytan il a enjolivé aux gens que l'ikhlas, que la sincérité, c'est le fait la sincérité, c'est le fait de mépriser les gens pieux. La sincérité, c'est le fait de mépriser les gens pieux et de ne pas leur donner leurs droits. Ça, chez Shaitan, il a enjolivé ça dans la tête des gens. Matalan as-soufiya, les gens de cette qu'on appelle les soufis. Les soufis, comme vous savez, beaucoup d'entre eux, ils adorent les tombes. Ils tournent autour des tombes. Ils disent, dans cette tombe-là, il y a Sidi Foulan. Sidi Foulan. Oh, Wali Foulan. s'il dit un tel ou un tel. Et ils l'invoquent. Et ils recherchent refuge auprès de lui. Et ils font des vœux pour lui ou ils font des tours autour de sa tombe. Tout ça, c'est du shirk. Quand tu viens, tu leur dis « Ya Anas, ittaqullah, ud'ullah, wa tawajjahu ilallah, wa tawakkalu alallah, wa warjullah. » Lorsque tu leur dis « Invoquez Allah, placez votre confiance en Allah, n'invoquez pas personne d'autre en dehors d'Allah », c'est là qu'ils vont dire « Antum, vous méprisez, vous êtes en train de mépriser nos gens pieux. Vous êtes en train de mépriser les salihin. » Alors que les gens qui pratiquent la religion comme il se doit sont les gens qui aiment le plus les gens pieux. Car le croyant est le frère du croyant. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire que la personne, lorsque on l'invite à adorer Allah Azzawajal, ce genre de personnes, les soufis ou autres, ils nous répondent par ce genre de paroles. Que nous, on méprise les gens pieux, alors que c'est pas ça. Nous, on les aime. Mais on ne leur donne aucun droit d'être adorés. Hatta Nabiyuna Muhammad. Jusqu'à notre prophète, qui est Ashrafu wa Atharu al-Khalq. Qui est la meilleure et la plus pure des créatures, on ne doit pas lui vouer un atome de l'adoration. Un atome de l'adoration, il ne la mérite pas. لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق العبادة حقا. Car c'est Allah seul, sans associé, qui mérite cette adoration. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أنس قال أو سمع أناسا يقولون يا سيدنا يا خيرنا يا ابن سيدنا وابن خيرنا. Le prophète Azam, il a entendu des gens qui l'ont appelé et lui ont dit: oh, toi le meilleur parmi nous, oh, toi notre maître. Et avant qu'on termine le hadith, est-ce que c'est mauvais de dire ça au prophète alayhi salatu wassalam? Oh, toi le meilleur parmi nous, oh, toi notre maître. Est-ce que le prophète il est vraiment le meilleur parmi nous? Hein? أحسنت الولد هذا معلم شوف الولد هذا معلم سنفهمه سنظهره الله مبارك الله مبارك نسأل الله أن يحفظه طيب كما أخونا ريان الذي لحديث والقوات صلى الله عليه وسلم يدي أنا سيد الناس يوم القيامة je suis le maître des hommes le jour du jugement dernier. Donc, a priori, il n'y a pas de mal de dire « Oh, prophète, oh, maître, oh, toi, notre maître. » Au cas d'un cas, lorsqu'ils ont dit « Ya khayrana abna khayrina »« Oh, toi, le meilleur parmi nous, fils du meilleur. » Parce que Kadalik, le prophète, sallam, il est issu de la meilleure lignée arabe. C'est la meilleure lignée au monde. Celle qui remonte directement à Adnan, thumma à Ismaïl, thumma à Ibrahim. C'est la meilleure lignée au monde. Donc, lorsqu'ils ont dit ça au prophète, ils ne sont pas trompés. Et ils n'ont pas exagéré, ni ils n'ont menti. Lakin, regardez comment le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il les a blâmés. Faqala al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, Ya ayyuhan nas, alaykum bittaqwakum, wa la yastahuyannakum ash-shaytan. Oh, gens, faites preuve de crainte et que shaytan ne vous enjolive pas les choses. Je ne suis que Mohammed ibn Abdullah. Je ne suis que Mohammed, le fils d'Abdullah. Wallahi, Abdullah wa Rasul. Je suis le serviteur d'Allah et son messager. Wallahi, ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allah. Et le prophète sallam dit: Wallah, je jure par Allah que je n'aime pas et que je ne veux pas que vous m'éleviez au-dessus du degré qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a placé. Wa fi al-hadith al-akhar alladhi rawahu al-Imam al-Bukhari wa kadhalika na'am al-Imam al-Bukhari min hadith 'Umar qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam la tatruni kama atrat an-nasara ibn Maryam innama ana 'abduhu faqulu 'abdullah wa rasuluhu. le prophète Hassan me dit à ses compagnons et à sa communauté, n'exagérez pas sur moi. N'exagérez pas sur moi. Comme ont exagéré qui? Les chrétiens. Comme ont exagéré les chrétiens avec Jésus. Mais moi, je ne suis que le serviteur d'Allah. Alors dites, serviteur d'Allah et messager d'Allah. Serviteur d'Allah et messager d'Allah. Si ça, c'est pour le prophète, si ça, c'est valable pour le prophète, alayhi salatu wassalam, est-ce qu'il y a quelqu'un qui mérite plus que ça? Cependant, ces gens-là qui ont mal compris ce fondement, ils pensent que lorsque on leur dit d'adorer Allah seul, sans rien lui associer, ceci fait partie du mépris des salihin. Naam. On a encore un peu de temps là. On est 4 là, 3h04. Tu veux rester jusqu'à direct salat? Et tu fais la dernière étude, on prie direct? Ouais. Ouais, t'as à peu près 10 minutes. Ok, ça y est. طيب ثم قال وأظهر لهم الشيطان طيب وأظهر لهم الشيطان et lorsque il dit que Shaitan il leur a fait voir, c'est-à-dire il leur a enjolivé la sincérité comme étant une forme de mépris pour les pieux, et il leur a fait voir que l'adoration des pieux, c'est ça le véritable ikhlas. Regardez Shaitan, comment il est khabith. وَيَلْعَبْ عَلَى النَّاسِ وَيَلْعَبْ عَلَى النَّاسِ قُلْنَا الْمُرَادُ بِالشَّيَاطِينَ الشَّيَاطِينَ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ. Et lorsqu'il dit, l'imam Mohamed ibn Abdul Wahhab, il parle de Shaitan, c'est les diables, que ce soit les diables parmi les djinns ou parmi les hommes. Parce que les diables parmi les djinns, ma'rouf, wa kadalika, il y a des shayatin ins, il y a des diables parmi les hommes. Ceux qui égarent les gens. Les a'immatul mudillin, les imams qui égarent les gens et qui les appellent soit à l'adoration d'autres qu'Allah, soit à la désobéissance d'Allah Azza wa Jal. Tout cela sont des imams égarés et dont il faut prendre garde et qu'on peut faire rentrer dans ce qism shayatin al-ins. قال وهذه طريقة كل من انحرف عن الحق وتمادى في الباطل حيث انهم يقلبون الحقائق ويكتبون ويكذبون على الناس فهذه سنة شيطانية إبليسية خبيثة. Et donc ça, le fait d'enjoliver le faux aux gens et d'enlaidir le vrai aux gens, ça c'est la tradition de Shaitan. Ça c'est une tradition satanique. Hein? Ça c'est une tradition satanique. Et vous allez voir que cette tradition, la plupart des gens qui sont plongés dans la fausseté, dans le batil, ils emploient ce genre de manière. Alaykoum salam. Ils emploient ce genre de choses. Taïb. Wa inshallah. Jaa waqt as-salah. Fa naktafi bi hadha al-qadr wa inshallah ba'd as-salah. Donc on était en train de dire que c'est parti des manières d'agir que les shayatines, djinns, wa ins, ont pris face aux prêches des prophètes et des messagers, le fait d'embellir le faux et d'en les dire la vérité. Naam. Donc on a dit, ça c'est une tradition qui provient de Iblis. نعوذ بالله منه. الله سبحانه وتعالى يقول مخبرا عنه وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. هذا الكلام من من إلى من لا بغل كي جان دير لا هاي ما سمعت مسلم de Iblis il a Adam et il lui dit quoi et il lui dit c'est à dire Iblis il parle à Adam il lui dit certes ton Seigneur ne t'a interdit cet arbre là ou ne vous a interdit à vous deux c'est à dire toi Adam et ton épouse Hawa il vous a interdit de manger de cet arbre pour pas que vous ne soyez ou pour pas que vous ne deveniez des anges ou que vous soyez éternel ou que vous ne soyez éternel donc là qu'est-ce qu'il a fait Iblis il a enjolivé quoi le faux et lui a enlaidi le batil malgré que Adam à cette époque là il était au paradis tamam فهو من الخالدين اصلا وفصلا il était déjà normalement il n'était pas censé connaître la mort s'il n'aurait pas désobéi à Allah il serait pas descendu sur terre il n'aurait pas connu la mort mais regardez Iblis par quel osloub il est venu et donc comme on a dit c'est une tradition iblissia que tous les gens adeptes du faux ont adopté cette manière de enjoliver le faux et d'en les dire la vérité. وهذا فرعون عليه لعنة الله يقول الله عز وجل وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه laissez-moi Pharaon dit selon une tradition approximative laissez-moi tuer Moussa Moïse laissez-moi le tuer وليدعو ربه et qu'il invoque son Seigneur إني أخاف أن يبدل دينكم أو يظهر في الأرض الفساد et Pharaon dit parce que j'ai peur qu'il change votre religion ça c'est Pharaon كبير أو أكبر الطواغيت le pire des ennemis que la terre ait pu porter et il te dit laissez-moi tuer Moussa, qui est l'une des meilleures créatures qui ait jamais foulé la terre. Il dit, laissez-moi le tuer. Pourquoi? Parce que j'ai peur qu'il modifie votre religion. Et j'ai peur qu'il sème sur terre la corruption. Ça, c'est pas de l'enjolivement du faux. Et de, comme on l'a dit, le fait d'en les dire la vérité. Donc ça, c'est le... طريقه حتى الله سبحانه وتعالى ماذا قال في المنافقين او نعم في المنافقين واهل الكتاب من اليهود قال ماذا طيب الايه في سوره البقره وماذا نسيت لا الذي بسم الله الرحمن الرحيم Al-Mohim, il va revenir le verset. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit et lorsqu'on leur a ordonné d'améliorer. Allah al-Musta'an. Al-Mohim, c'est une tariqa batila. C'est une tariqa batila que la plupart des gens du faux n'ont de cesse d'adopter, d'enjoliver les mauvaises choses et d'en les dire les bonnes choses. فتقليد الحقائق طريقة أهل الأهواء قديما وحديثا وكاد لا يوجد ضال من الضلال إلا ويستعمل هذا الأسلوب البطال الباطل. Donc il se peut que tu ne trouves pas quelqu'un qui suit ses passions, qui s'égare sans que il utilise ce genre de choses. وقد رمي الأنبياء بالكذب والجنون والسحر وغير ذلك من الأكاذيب. Et certes, les prophètes ont été accusés d'être des menteurs, d'être des gens possédés, d'être des sorciers, d'être des devins, d'être de vouloir se montrer supérieur aux autres, et tant d'autres parmi les akadib. ولا يزال المبتدعه يقلبون الحقائق ويرمون اهل السنه بالشده والغلو وغير ذلك من الاكاذيب والافتراءات يريدون بذلك ان يطفئوا نور الله والله متم نوره ولو كره المبطلون ولو كره المبطلون. Et donc même les innovateurs jusqu'aujourd'hui, ils n'ont de cesse d'accuser les partisans de la sunna, les partisans de l'islam authentique, de bon nombre d'accusations. Soit tantôt tu vas entendre que c'est des gens, ils disent que c'est des gens mutashaddid, qui sont durs. Soit ils disent que c'est des gens qui abusent, ou autres parmi les accusations mensongères. Wamburu il a Mustawa. Par exemple, l'histoire de Mohammed ibn Abdul Wahhab. Mohammed ibn Abdul Wahhab, imam. C'est un imam parmi les imams de l'islam. Lorsqu'il est mort, et que les gens ont voulu mettre en garde contre le chemin qu'il prenait, qu'est-ce qu'ils ont inventé? Ils ont inventé une nouvelle religion qui s'appelle le wahhabisme. Ils ont dit, ah là, c'est les wahhabis. Ça, c'est les wahhabites. Ils ont pris du nom de Mohammed ibn Abdul Wahhab pour en faire une secte. Alors que cet imam, il appelait à quoi? Cet imam, il appelait au tawhid, à l'adoration d'Allah, le suivi du prophète, alayhi salatu wassalam. Et en aucun cas, il a appelé à ce qu'on le suive, lui. Mais non, les gens, ils ont préféré faire de son nom une secte nouvelle pour effrayer les gens. Aujourd'hui, tu vas entendre islamiste. Islamiste. Ma'ana al-kalamad. Ça veut dire quoi, islamiste? Réfléchis deux minutes. Islamiste. Yani, ma yuridun bih. Qu'est-ce qu'ils veulent dire avec ça? Ils veulent effrayer les gens. Mais qu'est-ce que l'islam a à voir? L'islam, la tad'u ila ayyi fasad. L'islam n'a jamais appelé à la moindre turpitude sur terre. Ni assassinat, ni autre que cela. Non. Malgré tout, ils veulent coller à l'islam ce qui n'en fait pas partie. Non. وهذا من طريقة أهل الزيغ. تمام؟ فإنشاءاللہ, on a terminé avec le premier asl de ce livre. Et le cours qui vient, Inch'Allah, on prendra le deuxième fondement de ce livre-là. Et Inch'Allah, là, en 5 minutes, on prend vite fait quelques leçons à tirer sur le livre. Ou sur le cours qu'on prenait avec qui concerne les règles juridiques relatives aux femmes.